Bismillahirrahmanirrahim. Donc aujourd'hui on rentre dans un nouveau kitab qui est kitab ma'alumat mutafarriqah, qui sont connaissances diverses, c'est-à-dire différents sujets dans des choses qui ne sont pas forcément classées, qui n'ont pas forcément de lien les unes aux autres. Donc l'auteur a cité pas mal de questions et je vais en passer certaines, beaucoup on va dire, et je vais me contenter des plus importantes et d'essentielles, car connaître beaucoup de choses, si ce n'est pas pour les retenir ou les appliquer, il n'y a pas trop de faïda. Donc je vais faire mon propre ijtihad en choisissant parmi ces questions-là celles qui me paraissent comme étant les plus à même d'être citées et d'être évoquées. Billah nasta'in. Faqala fiddars, notre fiddars est Rabi' Ishin Bad al-Mia. 124e question. Ders, Afwan. 124e ders. قال في السؤال الواحد وثلاثين وألف يعني 131 question ألف 1031 question. نعم. كيف كانت عمامته صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة؟ De quelle couleur était sa imama, c'est-à-dire son turban, lorsqu'il entra à Mekka, c'est-à-dire en tant que conquérant lors de Fath Mekka? Elle était noire. D'accord, comme le hadith de Jabir ibn Abdillah, أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح Fath Mekka wa Ali imamatun sauda rawa muslim. Donc le Nabi sallam est rentré à Mekka le jour de la conquête, il avait sur sa tête un turban noir. Maintenant, ne pas s'imaginer comme certains le font que c'est une sunna, que c'est celui qui fait une conquête ou autre qui prend en djihad qui met un turban noir. C'est une chose qui est permise, c'est tout. Le Nabi sallam a fait d'autres conquêtes, d'autres batailles, il ne portait pas forcément de turban noir. Donc ce hadith montre la permission sans pour autant en faire un emblème, sans pour autant en faire un emblème. Contrairement à ce que les gens imaginent, comme par exemple aujourd'hui, il y a des groupes déviants qui, tu les vois avec leurs cheveux longs et leur imam noir, ce qui s'appelle Daesh par exemple, croire que cela est une sunna en soi. Les cheveux longs, ce n'est pas une sunna en soi, c'est juste ce qui est permise. La Messalem a les cheveux longs, il a les cheveux courts, il a la tête rasée, il a différentes coupes de cheveux. Pas mal. Donc ne pas se dire que les cheveux longs, c'est une chose qui lui est propre à lui. C'est une chose qui est permise à la base. Après, ça revient à la niyyah de la personne. Ce maqala fi su'al athani wa thalathin ba'd alf. 1032e question. Ma hukm libs al harir wa zahab. Quel est le jugement de porter de la soie ou de l'or? Faqala halal lil-nas wa haram ala dhukur. Et que cela est permis pour les femmes et interdit pour les hommes. Comme dans le hadith de Abu Musa al-Ash'ari, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, uhilla al-zahab wa al-harir lil-nas min ummati wa hurima ala dhukuriha. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que l'or ainsi que la soie ont été permis aux femmes de notre communauté et interdit à nos hommes. D'accord ? Donc il n'est pas permis de porter de l'or pour l'homme, des bijoux, ce genre de choses, ou des objets en or sur lui, ni de la soie. À part pour des raisons médicales, comme par exemple en cas de démangeaison, comme cela arrivait avec certains sahaba. Mais là, c'est un cas de darura, comme on dit, une contrainte. C'est pas pareil. Et le hadith est apporté par Ahmed. Thumma qala fi su'al 33 wa 1000 333e question. 1033e question. Naam. Maïa el baraka. Qu'est-ce que la baraka? Ce que les gens traduisent par la bénédiction. Moi, j'aime pas trop ce terme-là, mais bon, c'est le que les gens ils emploient. Inch'Allah, on marche dans leur ourf. Donc, il dit la définition, c'est Thubut el khayl el ilahi fi shay. C'est le fait que le bien divin, quand même, demeure dans une chose. Que Allah t'apporte une chose et qu'il émette le bien et que ce bien, quand même, demeure. Pas une chose qui s'estompe en peu de temps. Et ça, normalement, c'est une question qui aurait été plus appropriée d'être citée dans Al-Aqidah, au début du livre. Donc le dalil, c'est qu'Allah Ta'ala, وَلَوْ أَنَّ أَهْلِ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Et que si jamais les gens des contrées avaient cru et avaient craint, nous leur aurons accordé une barakat, c'est-à-dire des bénédictions, depuis les cieux et la terre. C'est-à-dire on leur apporte du risque en abondance, et on continue. Ce qui prouve que la foi et la crainte, la piété, sont des causes de risque, de façon générale ou même de façon particulière. Un lieu où les gens sont dans la crainte et dans la foi, Allah leur accorde beaucoup de bien, tant qu'ils sont dans ce bien-là. Naam. Et d'autres adillah. Thumma qala fi su'al, donc on va en sauter certaines-là, 36 wa 1000, 1036e question. Mahia Oum al-Khaba'if. Quelle est la mère, on va dire, la mère des choses infectes, des choses mauvaises? Et il dit c'est le khamr, ce qu'on appelle l'alcool. Al-khamr. Comme dans le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn As, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث فمن شربها لم تقبل منه صلاته 40 يوما. Qu'il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم que le khamr, ce qu'on appelle, on va dire l'alcool, c'est la mère des choses mauvaises. C'est la base du mal. D'accord, la base du mal. Donc celui qui en boit, sa salat ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Celui qui a bu de l'alcool, volontairement, en connaissance de cause, sa salat lui revient dans 40 jours. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il ne la fait pas, qu'il est dispensé. C'est qu'il l'a fait, il doit la faire quand même, mais n'en tire aucune récompense. Et le mot khamr, à la base en arabe, ça vient de tortilla, c'est le fait de recouvrir une chose. C'est-à-dire que le khamr, c'est une chose qui recouvre ta raison. D'accord ? Comme le khimar de la femme, c'est une chose qui recouvre sa tête, ben le khamr, la racine du kha, du mim et du ra, chose qui revient à quoi ? À la chose qui recouvre. Donc le khamr a été appelé kham du fait qu'il recouvre ta raison. D'accord ? Il recouvre ta raison. Et cette Bab al-Fa'ida, le khamr, à la base, avant l'avenue de l'islam, les Arabes y étaient des grands buveurs d'alcool. Une chose qui était connue. Donc l'islam est venu avec sagesse. Allah Azzawajal ne l'aura pas interdit cela du jour au lendemain. Mais il y a eu trois étapes. Première étape, c'est que Allah Azzawajal l'aura informé du mal que contient cette boisson. Café collé Azzawajal. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس أو للناس واسمهما أكبر من نفعهما. Qui t'interroge à propos de l'alcool et du jeu de hasard, dit qu'ils contiennent un bien et un mal, d'accord, mais que leur mal est plus grand que leur bien. Le mal est plus grand que leur bien. Ensuite, troisième étape, ça a été يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. Que ô vous qui avez cru, n'approchez pas de la salat, tant que vous avez, si jamais vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. C'est-à-dire que tant que vous êtes ivre, en état d'ivresse, ne venez pas faire la salat. Donc ça veut dire que maintenant, après avoir que Allah Azzawajal ait souligné le fait que l'alcool est une chose qui contient du mal, après ça a été quoi ? Que cet alcool-là ne peut être bu qu'à des moments où il n'y a pas la salat qui vient après. C'est-à-dire que ça peut être que la nuit. C'est-à-dire après l'Isha. Parce qu'entre le Fajr, après le Zor, après le As, après le Maghrib, après l'Isha, ça s'enchaîne, personne ne peut porter l'alcool. Donc là, ça commence déjà en plus à restreindre. D'accord ? À restreindre. Et troisième chose, ça a été l'interdiction totale. Comme a dit Ta'ala, « Ya yuwalina amanu inam al-khulm wa imaysir wal ansab wal azlam rijutum min amal shaitan fashtanibuh » D'accord ? Et puis après l'aya, « Falahan antum muntahun » Oh, vous qui avez cru, sachez que l'alcool, ainsi que les jeux de hasard, ainsi que les choses, le tirage au sort avec les flèches, sont des choses qui viennent de Shaitan. Alors éloignez-vous-en. Donc là, c'était interdit complètement. D'accord ? C'était interdit complètement. Et là, de là, les Sahaba, comme a dit Omar, intahina, intahina. Nous avons cessé, nous avons terminé. Ils sont mis à déverser leurs bidons d'alcool dans les rues d'El-Médina. Dans les rues d'El-Médina. Non. ثم قال في السؤال السابع والثلاثين وألف ما هي الآية التي نزلت في بتحريم الخمر تحريما قاطعا donc c'est la parole d'Allah dans le sens où il dit quand il dit que c'est quoi le verset qui interdit l'alcool de façon définitive donc le verset on le citait à l'instant c'est lorsque Allah dans le Allah عز وجل dit ya ayyuhal ladhina amanu innama al-khamru maysir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fashtanibuhu la'allakum tuflihun. C'est-à-dire Allah a cité éloignez-vous-en afin de réussir. Al-Maïda verset 90. Al-Maïda verset 90. Thumma qala fi as-su'al 40 wa 1000 ma huwa al-ummi. Ma huwa al-ummi, qu'on appelle un ummi en arabe. C'est celui qui ne sait ni lire ni écrire, ce qu'on appelle un illettré. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est un ummi. D'accord, c'est un ummi. Et également, dans le Coran, c'est un terme employé pour les communautés comme les Arabes qui n'ont pas de livre. Par exemple, vous avez les gens du livre avant qui étaient les Nasara et les Yahoud. Les Arabes après ont été appelés les Ummiyin car ils n'avaient pas de livre. Jusqu'à ce que le Coran vienne. Naam. Ou à Dalil, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Inna ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub » Nous sommes une communauté, j'ai qui ne sait pas lire et écrire, c'est-à-dire que nous n'avons pas de livre, ni nous n'écrivons, ni nous ne comptons. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de choses de comment dirais-je, de calcul à l'avance. Et là, il faisait allusion à quoi ? Par rapport au mois. Au mois, qui sont de 29 jours ou 30 jours. Donc on ne fait pas de calcul astronomique, ce genre de choses. Nous, on se base sur quoi ? Sur la vision. Non. ثم قال في السؤال الخامس واربعين وألف 1045 question بماذا يصلح آخر هذه الأمة qu'est-ce qui conviendra à la dernière au dernier des gens de la communauté qu'est-ce qui conviendra au dernier de cette communauté قام قال الإمام مالك ça c'est une chose qui est connue ما يصلح به أولها ce qui a convenu au premier ce qui conviendra au dernier c'est la même chose Ce qui a été bon pour les premiers, sera bon pour les derniers. Donc on n'a pas à changer. C'est ça, le ménage des salafs. On comprend la religion comme l'ont compris les pieux prédécesseurs. Et ça, c'est une parole qui a été rapportée de l'imam Malik, comme à Korala. La yaslah akhir adil umma illama aslaha awwalaha. Qui ne réformera cette communauté, c'est-à-dire parmi les derniers, que ce qui n'a réformé, que ce qui a réformé les premiers. Que ce qui a réformé les premiers. نعم فسنكتفي بهذا القدر اليوم والحمد لله رب العالمين